deuxième temps de notre série sur l'histoire de la Bretagne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'emboîtement d'échelles entre histoire locale, histoire nationale et histoire mondiale de la Bretagne. Après avoir hier dialogué avec l'historien Joël Cornette à propos de l'histoire mondiale de la Bretagne qu'il vient de diriger chez Talendier, avant demain de nous intéresser à l'histoire de la langue bretonne et jeudi de raconter l'histoire de la vallée des Saints au nord de Carré en Bretagne, nous allons ce matin nous demander si la Bretagne peut servir d'exemple à une histoire locale de la France renouvelée. Nous le ferons avec Victor Massé de l'Épinay qui va co-animer cette émission et avec nos deux invités installés à Rennes dans le studio de France Bleu Armorique que nous remercions de les y accueillir. Erwan Le Gall, il est doctorant à l'université de Rennes 2, il est membre du comité de rédaction de NNVOR, la revue d'histoire contemporaine en Bretagne, et responsable de la vulgarisation de la matière culturelle de Bretagne pour l'association Bretagne Culture Diversité, et François Prigent est professeur d'histoire au lycée Chateaubriand de Rennes, secrétaire de l'association Métron Bretagne, il est chargé de cours à Sciences Po Rennes et à l'université de Rennes 2, et tous les deux ont dirigé deux ouvrages collectifs, l'un s'appelle C'était 1936, le Front populaire vu de Bretagne, et l'autre C'était 1958 en Bretagne pour une histoire locale de la France, tous les deux édités aux éditions Goater. Quoi de mieux pour ouvrir une émission sur l'histoire locale de la Bretagne que de commencer par une internationale chantée par la fête du Parti communiste français à Pont-l'Amé le 7 août 1938 en breton par la chorale Labour à Cannes. Bonjour à vous, Victor Massé de l'Épinay. Bonjour Emmanuel. Bonjour Erwan Le Gall. Bonjour. Et bonjour François Prigent. C'est vrai que c'est une des questions que vous vous posez dès l'introduction de votre deuxième ouvrage collectif qui s'intitule C'était 1958 en Bretagne pour une histoire locale de la France, que cet emboîtement des échelles, comment faire une histoire locale qui n'oublie pas ni le national, ni l'européen, ni le mondial, c'est peut-être le pari que vous vous êtes donné l'un et l'autre, François Prigent. Oui, en effet, l'historien a l'habitude de croiser les sources, c'est une de ses spécificités. Il est aussi important de croiser les échelles et aussi de croiser les regards et les problématiques. Et qu'est-ce que vous voulez dire par cet emboîtement d'échelles entre local, national et mondial, et en quoi cela pourrait renouveler justement une histoire de la Bretagne qui, depuis longtemps, grâce à de très nombreuses monographies, s'intéresse à la question locale, Erwan Le Gall? C'est toujours la même chose. Encore une fois plus, il faut varier les échelles. C'est quelque chose de fondamental. Et il y a un petit peu une réaction à un effet de mode qui est fort justifié d'ailleurs, qui est celle de l'histoire connectée, de l'histoire transnationale, qui est très à la mode en ce moment parce qu'elle permet vraiment de renouveler les connaissances. Mais comme tout effet de mode, eh bien, ça a parfois un petit peu le revers de la médaille et ça en oublie les petites échelles, les échelles infra, les échelles intermédiaires. Moi, je viens de la Grande Guerre comme champ d'études et en 2013, on avait sorti avec Yann Lagadec et Michel Bourlet un ouvrage qui s'appelait Petite patrie dans la Grande Guerre et qui rappelait que certes la Grande Guerre est un ouvrage qui se conduit nationalement, voire transnationalement, c'est une guerre interalliée, mais qu'elle est aussi vécue régionalement. Alors est-ce que c'est de l'histoire de la Bretagne ou de l'histoire en Bretagne? J'en sais rien. Personnellement, j'aurais plus tendance à m'inscrire dans cette deuxième tendance. Mais voilà. Victor Massé d'Épinay. Oui, pour expliquer un petit peu davantage quand même votre démarche, il faut dire que quand on s'intéresse à l'histoire de la Bretagne, quand on a préparé cette semaine, on se rend compte qu'il y a la tentation d'une histoire régionale qui se tiendrait par elle-même, qui serait à part, qui obéirait à des logiques propres, qui serait évidemment construite en opposition à l'histoire centralisée et jacobine de la France et de Paris. En gros, peut-être une histoire identitaire, une histoire qui tiendrait de ce qu'on pourrait appeler un roman régional. Comment est-ce que votre démarche s'articule ou se démarque d'avec cette idée de roman régional, par exemple ? Moi, je me reconnais parfaitement dans l'ouvrage que vient de publier Olivier Grenouillot sur les petites patries, qui chez Gallimard. Déconstruit chez Gallimard, voilà, qui déconstruit totalement ses discours régionalistes et qui montre bien qu'ils servent une intention. J'entendais hier Joël Cornette expliquer que la frontière de la Bretagne avait été remarquablement stable du 9e siècle à 1941. L'historien de la Grande Guerre est étonné. La grande réforme militaire de 1873 scinde la Bretagne en deux régions militaires, la 10e et la 11e, et qui englobe la Manche et la Vendée, qui ne sont pas spécifiquement bretonnes comme département. Et d'ailleurs, c'est intéressant, mon ami Jérémy Allais, qui a publié une très bonne thèse sur la subdivision de Granville, parle, lui, donc, qui appartient à cette 10e région militaire constituée des Côtes du Nord, de l'Ille-et-Vilaine et de la Manche, parle, lui, de régiment normando-breton. Donc on voit bien que tout est histoire de but qu'on assigne à ces récits. Et nous, notre propos, il est vraiment uniquement de faire de l'histoire. Et on voit qu'en se proposant, se plongeant dans cet espace particulier qu'est la Bretagne, mais qui aurait pu être l'Auvergne, la Corse ou que sais-je encore, eh bien, on en arrive à des chronologies qui sont un petit peu distinctes de ce qu'on voit. C'est très flagrant sur 1958. À 1958, on écrit cette histoire à Paris, à Alger, voire en Corse, mais rarement ailleurs. Et il se trouve qu'en Bretagne, la question de la guerre d'Algérie, pour ne parler que d'elle, a une actualité. Il y a des fonds extrêmement importants, je pense, à mes camarades des archives départementales d'Ille-et-Vilaine, qui ont énormément de sources sur la guerre d'Algérie, et donc on voit bien que cette région Bretagne, qui est une Finistère, pour reprendre l'expression que vous formuliez hier, elle a aussi à voir avec ce conflit, alors qu'a priori c'est pas forcément évident. Oui, et il y a aussi une dimension dans votre travail qui est intéressante, en l'occurrence François Prigent, votre travail collectif, c'est une façon de faire l'histoire en marchant, d'une certaine façon. On voit bien, quand on lit votre premier ouvrage, qui a été publié maintenant il y a 3 ou 4 ans, c'était donc pour la commémoration 1936, que vous cherchiez encore vos marques dans cette question de comment faire une histoire en Bretagne qui serait pas une histoire donc marquée par la tradition d'une histoire régionale, par exemple, et que vous l'avez plus ou moins trouvé déjà dans le deuxième ouvrage que vous avez publié en l'année dernière pour l'anniversaire de 1958 en Bretagne, François Prigent. Oui, tout à fait, parce que notre but, c'était bien de porter des regards décentrés, finalement, sur l'histoire, de façon à ressourcer au sens propre l'histoire nationale. Il fut un temps, dans les années 60, c'était la thèse de Jacques Rougerie, où on s'interrogeait de savoir s'il fallait départementaliser l'histoire. C'est-à-dire si, finalement, l'histoire nationale ne serait qu'une synthèse de monographies départementales menées dans un cadre identique, permettant la comparaison, et qui produirait des synthèses nationales. Une histoire post-labroussienne, par exemple, Ernest Labrousse dirigeant avec beaucoup de vivacité les travaux sur la Révolution française à la Sorbonne, et demandant à tous ses étudiants de faire une étude monographique départementale sur la préparation, les temps qui préparaient la Révolution française dans un département, par exemple. C'est cela ? Exactement, exactement. Ça, c'était la vision des années 60, 70 et 80, un peu. Exactement. Et on voit aujourd'hui qu'avec les démarches comparatives transnationales, qui sont extrêmement stimulantes, hein, puisqu'elles font apparaître des problématiques et une vraie histoire-problème, on a aussi le risque d'une histoire éclatée, un peu parfois hors sol, et qu'il est nécessaire de revenir à une histoire vue d'en bas, qui appréhende les sociétés dans leur diversité, dans leur singularité. Et dans le cas de la Bretagne, il y a une vraie cohérence historique, culturelle, identitaire également. Il y a quand même une cohérence, ça n'est pas simplement une invention des régionalistes du 19e ou du 20e siècle, c'est bien ce que vous dites. Non, bien entendu, quand on travaille par exemple sur les évolutions des cultures politiques sur le temps long, on voit bien qu'il y a des dynamiques qui sont des dynamiques extrêmement cohérentes. Prenons par exemple le passage de la domination de la démocratie chrétienne en Bretagne à la libération, à la domination de ce qu'on pourrait appeler une social-démocratie d'élus locaux des années 68. À partir de 70, 77, voilà. Et les grandes élections municipales de 1977. Tout à fait, et qui a d'ailleurs l'international peut avoir un impact sur les évolutions locales. C'est le cas, par exemple, chez les ce qu'on appelle les cathos de gauche, les chrétiens de gauche. Je préfère l'expression de chrétien à gauche, personnellement, où la guerre d'Algérie a précipiter finalement une crise de conscience religieuse qui est déjà patente à la libération et qui déclenche les prises de conscience militantes et les basculements vers d'autres passerelles militantes comme le PSU par exemple. Victor Massé-Lépinay. Et donc vous jouez toujours l'un et l'autre et puis les collaborateurs de ces ouvrages avec les échelles et les échelles de temps et les échelles spatiales. Par exemple, 1936 en Bretagne, pour reprendre ce que vous disiez à l'instant, ça permet à la fois d'affiner un peu une chronologie sur le Front populaire en se rendant compte que, par exemple, les grèves de 1936 ont eu lieu en Bretagne, en l'occurrence, peut-être dans d'autres régions, plutôt après la signature des accords de Matignon qu'au mois de mai. Mais ça permet aussi de comprendre, dans le temps long, l'histoire de la région Bretagne, par exemple, l'histoire de l'enracinement à gauche qui a eu lieu plutôt, disons, 50 ans après le Front populaire. Vous en cherchez les prémices dans ces années 30, alors que la Bretagne, à cette époque-là, était plutôt à droite, traditionnelle, chrétienne. Voilà. Erwan Le Gall. Il faut se garder des généralités. Si on prend le simple exemple du Morbihan, la réalité politique en 1936 de Vannes n'est absolument pas celle de Lorient. La Bretagne est beaucoup plus composite et beaucoup plus complexe que ça. Vous évoquez effectivement le décalage de chronologie avec notamment, je pense, à une grève 200 marins pêcheurs à Lorient qui se retrouvent en grève en novembre 1936. On voit bien un décalage par rapport aux grèves de mai 36. Bon, il se trouve que nous, on a travaillé sur la Bretagne. Il y a sans doute beaucoup moins de marins-pêcheurs en Corrèze, mais je ne jurerais pas qu'il n'y ait pas aussi ce décalage dans les chronologies. Parce que qu'est-ce qui est en jeu ? C'est pas tant la Bretagne qu'un défaut de culture politique et un défaut de culture syndicale. Et donc, c'est ça. Ça nous amène, la variation des échelles amène à nuancer, éclater les chronologies, mais à également nuancer, éclater les espaces. Je renvoie à l'article de Thomas Perronneau sur l'importance des Bretons de Paris en 1500. Ah, ça, il est assez formidable, cet article qui explique en particulier comment l'amicale des Bretons de Saint-Denis est à la fois accompagnée l'arrivée au pouvoir à Saint-Denis de Jacques Doriot, mais ensuite est devenue une des principales oppositions justement à ce pouvoir de Doriot dans la ville de Saint-Denis, parce que elle était très à gauche, cette amicale des Bretons de Saint-Denis. Victor Massé-Lépinay. Oui, mais sur cette question des échelles, on sent quand même toujours cette tension dans vos ouvrages, et en particulier dans la préface du second, qui explique un peu plus la démarche. En effet, il faut se garder de généraliser, mais jusqu'où vous faites remonter la limite, puisque le Morbihan n'est pas le Finistère, mais dans le Morbihan, telle commune, puisque quelquefois on a des résultats de certains scrutins, commune par commune, la Trinité n'a pas la même réalité sociologique que Vannes ou qu'un tel village du nord du Morbihan, de la Bretagne intérieure. Jusqu'où il faut articuler les échelles, le particulier, le local et le plus global ? Qui répond entre vous, Erwan Le Gall et François Prigent ? Moi, je veux bien répondre. François Prigent. Disons qu'il y a un risque d'une histoire en miettes, d'une histoire en tranches lorsqu'on joue sur ces échelles. Mais finalement, si l'historien est là pour identifier les ruptures dans le temps, hein, c'est aussi une des fonctions de l'historien, il doit aussi réfléchir en termes de dénivellation dans l'espace. Je reprends la formule de Christophe Charles. En quelque sorte, il faut dépouiller local et penser global, si vous me permettez cette formule, de façon à ce qu'on puisse appliquer les concepts à des régions pour voir s'ils fonctionnent. Je vais prendre juste un exemple. On connaît très bien les caractéristiques d'être jeune, par exemple dans les années 68, depuis les travaux de Ludivine Bantini. On connaît aussi ces mutations des générations, des nouvelles générations jeunesse de l'après-guerre. Par contre, dans l'intermédiaire, dans les années 50, on a finalement peu de matière pour voir les choses et identifier les décalages sur être jeune en Bretagne, ce que mon collègue Jean-Christophe Brillois avait appelé avoir 20 ans à la ferme, en référence finalement au film de René Vautier, avoir 20 ans dans les Aurès, montre que les problématiques qui se posent dans la société bretonne à ces jeunes sont extrêmement différentes. Oui, montrer par exemple que les travaux très connus, c'est ce que fait d'ailleurs Jean-Christophe Brillois dans le numéro, donc dans le livre C'était 58 en Bretagne, les travaux très connus d'Edgar Morin sur Plozévet, par exemple, au moment de la grande enquête de Plozévet, ne revêtent pas la totalité de la réalité des jeunes en Bretagne, donc à cette même époque. l'époque du début des années 60, puisque lui, il décrit la création d'un club des jeunes, qu'il va d'ailleurs forcer à exister dans cette ville de Plozévet, pour pouvoir montrer ce qu'est la naissance d'une classe jeune, mais que ça n'est pas aussi rapide dans d'autres communes de Bretagne. Oui, tout à fait. Et on pourrait multiplier les exemples. Vous évoquiez tout à l'heure le Front Populaire, finalement, avec le rôle de cette troisième vague de grève après l'application des accords Matignon, dans un tout autre contexte. Finalement, pour le cas de la Bretagne, c'est l'émergence d'une génération qui s'impose politiquement à la Libération et qui va marquer le paysage électoral régional de 44 à 68. Et ça, c'est extrêmement marquant. Et avant, c'est pas forcément propre à la Bretagne. Et avant cette guerre, la grande voix d'un grand breton, Marcel Cachin, à Pont-l'Abbé, le 7 août 1938. La parole est donnée au camarade Marcel Cachin, président des Bretons émancipés, sénateur de la Seine. Camarades, votre foule ardente prouve que le Front populaire et le Parti communiste comptent dans notre Bretagne des adhérents passionnés. En mai 36, d'importantes améliorations furent conquises par les travailleurs. Vous ne permettrez pas qu'on touche à ces conquêtes. Vous voulez même la réalisation complète du programme du Front populaire. En adhérant au Front populaire, les Bretons restent fidèles à la démocratie française et au passé de leur petite patrie. Toujours la Bretagne compta de grands lutteurs dans l'histoire de ses paysans, de ses marins, de ses savants et de ses penseurs. Nous sommes, nous les communistes, leurs fils authentiques. Nous travaillons pour le progrès, pour la vraie paix, pour l'émancipation humaine, et en défendant le peuple d'aujourd'hui, nous restons attachés aux traditions de nos aïeux qui ont tant souffert et qui nous ont légué leur cœur robuste. Divunet ut bremen, me braise. Barzo. Alors ça, si c'est pas le renouvellement de la grande légende bretonne au cœur robuste, en l'occurrence, on ne sait pas ce que c'est. En l'occurrence, donc c'est Marcel Cachin, le 7 août 1938, dans ce film qui s'intitule Breiz Névez, la Bretagne nouvelle, avec son commentaire en tant que directeur de l'Humanité, qui était réalisé par l'équipe technique à l'époque de la société La Marseillaise. Comment on commente un tel morceau de bravoure de Marcel Cachin? Ben, tout simplement, d'abord, c'est vraiment une archive absolument extraordinaire que vous nous faites entendre là. Elle montre bien toute la complexité du sujet, finalement, qui est à ce Cachin incarne ça, qui est vraiment l'emboîtement des identités, des appartenances. Je fais référence aux travaux bien connus d'Anne-Marie Thiès, qui se vit à la fois comme breton, à la fois comme patriote. On est en 38, on est donc dans la nationalisation du Parti communiste, mais également foncièrement comme internationaliste. Et donc, pour le propos historiographique qu'on essaye d'introduire dans l'introduction de CT58, pour une histoire locale de la France, avec un clin d'œil assumé à un livre à succès récemment sorti, c'est qu'il ne sert à rien, c'est même complètement stupide, d'opposer une histoire locale et une histoire nationale et une histoire mondiale. L'histoire, elle est à la fois locale, nationale et mondiale. Et l'archive que vous venez de diffuser l'illustre à merveille. Victor Massé-Lépinet. Alors ce livre de 1958, avec ce grand propos introductif pour une histoire locale de la France, et plus, peut-être plus complet, on l'a dit, que le premier tome de 1936, au sens où il aborde peut-être des réalités moins exclusivement politiques, on a plus de choses culturelles. Il y a un chapitre quand, tout de même dans C'était 1936 qui a retenu mon attention, parce qu'il n'était pas seulement politique. 1936, c'est aussi évidemment l'invention des congés payés, ou la démocratisation des congés payés. Et pour la Bretagne, ça s'est posé d'une façon particulière. Donc c'est Johan Vincent qui signe l'article sur les congés payés dans C'était 1936. Et donc on voit par exemple qu'en Bretagne, les campings se développent, mais que les auberges de jeunesse ne prennent pas vraiment. On voit aussi se jouer dans cette année-là, et c'est plutôt les années suivantes, une compétition entre les régions et là encore l'identité de la Bretagne qui réagit à la propagande du Midi, qui dit fuyez la pluie, venez dans le Midi. Et puis on a Maurice Lelanoux, le géographe, qui sera bien des années plus tard professeur au Collège de France, qui pointe le piège mortel que représente le soleil du Midi et qui dit que la Bretagne est beaucoup mieux. Ça, c'est aussi, là, c'est une dimension peut-être plus culturelle, plus de l'histoire de la consommation qui est présente dans ce livre de 1936 et qui est peut-être davantage dans celui de 1958. Oui, alors faites référence aux travaux de mon ami Johan, qui est un historien du tourisme, qui prenait vraiment sa place dans ce livre-là. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce 36 ? François est venu me voir en 2015 en me disant il n'y a pas grand-chose de prévu pour l'année prochaine. Alors moi, encore une fois plus, je viens de la Grande Guerre, et pour moi, 2016, c'était Verdun à la Somme qui était à l'agenda, c'était pas du coup 36. Et donc je lui dis, banco, on le fait. Et un peu benoîtement, je dirais, moi je partais aussi de cette idée complètement reçue que 36, c'était les congés payés, donc le début du tourisme. Et Johan montre que c'est absolument pas le cas, et qu'au contraire, en termes d'infrastructure, eh bien, le Front Populaire va remettre à l'agenda des travaux, des projets extrêmement importants, notamment en termes de création de routes pour desservir l'Argoate, le centre Bretagne. Et donc, le Front Populaire va permettre de les remettre à l'agenda, mais ils sont déjà depuis longtemps. L'intrusion balnéaire, je prends fais référence au titre de la thèse de Johan, on est à la fin du 19e siècle, et déjà en 1914, lors de la déclaration de guerre à Saint-Malo, par exemple, eh bien, vous trouvez un certain nombre de touristes, alors on les appelle les villégiateurs, parce qu'il y a une question de distinction là-dessus, mais la pratique est déjà là, et on a également, y compris dans les années 20, des mouvements pendulaires à la journée, mais qui sont de réelles pratiques touristiques. Oui, mais à partir il y a une véritable réinvention des littoraux. Là. Finalement, c'est la Bretagne de l'Armor qui reprend tout son poids et qui pèse quand même aujourd'hui dans l'économie, par exemple, régionale, extrêmement fortement, et qui renoue finalement avec un autre rapport des Bretons avec la mer. Cependant, en 1936, vous parliez tout à l'heure des congés payés, il y avait déjà une dimension politique de volonté d'encadrement des loisirs populaires, notamment de la jeunesse. Je pense par exemple à la colonie de vacances Noptiga, qui était adossée au club d'En Avant de Guingamp et dirigée par notamment Georges Voisin ou Pierre Milon, qui est maire de Guingamp à la Libération et qui amène finalement les jeunes guingampais découvrir les plages de Bréhec dans une optique d'émancipation collective par les loisirs. Et puis cette histoire du tourisme, ouais, elle dit beaucoup finalement de cet espace qu'est la Bretagne, qui est finalement très inséré dans un espace national, puisqu'il s'agit bien de faire venir des touristes d'ailleurs vers la Bretagne, mais en même temps en concurrence avec d'autres espaces. Et c'est là que va se construire ce discours sur la région authentique, magnifique, belle, et en opposition avec d'autres régions, et notamment le Midi de la France dont vous parliez, Victor. Et puis avec certains ou certaines qui chantent les vertus de ce littoral, comme Suzy Solidor. Lorsque les marins bretons s'en vont le vent dans les voiles, ils chantent tous aux étoiles et gaiement cette chanson. Les filles de Saint-Malo ont les yeux couleur de l'eau. On se penche sur elles, on voit les lointaines mers qui mirent dans leurs prunelles leurs flots mouvants bleus ouverts. Les filles de Saint-Malo ont les yeux couleur de l'eau. En revenant des Antilles, on rêve des pays chauds et de ces superbes filles à la brune et douce peau. Oh, c'est une riche affaire de palper tous ces trésors de ces filles de corsaires dont les cheveux sont en or. Les filles de Saint-Malo ont les yeux couleur de l'eau. Qu'elles soient veuves pucelles dans les lits clos sans dire, on chavire au bras des belles comme au temps du grand surcoup. Les filles de Saint-Malo. Là aussi, la mythologie n'est pas absente de ce titre de Suzy Solidor de 1936, Les filles de Saint-Malo, dans notre émission consacrée au travail que vous avez mené, Erwan Le Gall et vous-même, François Prigent, avec un collectif d'historiennes et d'historiens autour de deux années clés pour vous, 1936, publication donc aux éditions Goater, et puis 1958 en Bretagne, pour une histoire locale de la France. France, toujours aux éditions Goater. C'est vrai que ces dates sont des dates qui peuvent être utiles parce qu'elles sont considérées comme des dates charnières, des dates de passage de témoins, pourrait-on dire, entre des générations et d'autres, et qu'elles peuvent servir justement pour affiner votre regard sur ce que peut être une histoire locale, donc de la France à partir de la Bretagne, François Prigent. Oui, tout à fait. On voit là que la Bretagne peut servir soit de décor, soit de prétexte. C'est-à-dire que c'est un espace qui est un enjeu et qui est aussi une ressource. Vous parliez tout à l'heure finalement du discours de Marcel Cachin, mais on a la même chose lorsque De Gaulle, en 45 ou en 58, instrumentalise une forme de géopoétique, de l'espace. Mm-hmm. On a aussi cette réalité, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand on observe le poids des répressions des Bretons engagés dans la résistance, finalement Nantes ou Rennes ou Brest, capitale de la répression, il y a une vraie dimension. Nos camarades du Métron des Fusillés, Claude Pentier, Paul Boulan ou encore Alain Prigent ont essayé de bien montrer ce poids-là. Finalement, quand on se déplace au niveau des échelles, on s'aperçoit que la Bretagne, dans une perspective d'histoire mondiale, occupe une position géopolitique stratégique, et qui explique aussi que le poids de la répression nazie, l'empreinte de la répression nazie a pu être aussi forte. Cette dimension stratégique, elle est très présente, on la voit dans une carte, vous savez, cette infographie de la Seconde Guerre mondiale là, qui est apparue chez Perrin il n'y a pas très longtemps, sous la direction de Jean Lopez notamment et Vincent Bernard. Il y a une carte sur la bataille de l'Atlantique et la carte est ainsi faite. Alors, c'est une construction, la géographie c'est une construction, c'est néanmoins intéressant, la Bretagne est en plein milieu. Donc ça dit bien, quelque part, toute la centralité de cette région-là dans les logiques de répression, ça les explique quasiment mécaniquement, je dirais. On retrouve également la même chose pendant la Première Guerre mondiale, où Saint-Nazaire, Brest, se retrouve être le pivot entre Hoboken à New York et Chaumont, le siège du corps expéditionnaire américain. On est sur une histoire logistique, si Bretagne et Saint-Nazaire ne tiennent pas, eh bien c'est l'acheminement des soldats américains qui tombe. Donc on est dans cette logique-là. Moi, encore une fois, plus je viens de la Grande Guerre, je travaille sur un régiment d'infanterie et l'idée c'est d'essayer de comprendre l'armée française de la Grande Guerre à partir d'un régiment d'infanterie, dans une démarche indiciaire, une sorte de biopsie, je reprends l'expression récente de Gilles Verrion, et de voir en quoi cet exemple a des singularités, a des particularités, mais aussi peut dire l'ensemble. On est vraiment dans cette démarche-là sur le 36 et 1958, même si encore un peu plus, ça a été un cheminement et le 58 va plus loin au niveau de la proposition historiographique que le 36, parce que c'est une histoire qui est en train de se faire et qu'on écrit au fur et à mesure. Et puisque vous évoquez justement 1958, le discours sur lequel vous avez travaillé vous-même, François Prigent, du général de Gaulle à Rennes le 20 septembre 1958. Dans les voyages que je veux exécuter de région en région de France, j'ai tenu à commencer par Rennes et par la Bretagne. Et je crois que j'ai bien fait. Tant de liens, permettez-moi de le dire, tant de liens m'attachent à cette noble ville et à cette magnifique province que m'y trouvant aujourd'hui, une fois de plus dans mon existence, je me sens, si j'ose dire, au milieu d'amis. Ici, comme partout, on a vécu profondément la crise qui est survenu récemment sur la France. Ici, comme partout, on en a compris les raisons profondes. On a compris qu'il s'agissait d'un grand pays en proie à de grandes difficultés, confronté à de grands problèmes et qui, pour les résoudre, ne se trouvait disposé que d'institutions périmées et, comme on dit, inadéquates. Tout le monde l'a senti. Et c'est pourquoi l'événement qui aura lieu dimanche prochain va mettre les choses au point. Voilà donc pour le discours du 20 septembre 1958 du général de Gaulle, donc nouvellement arrivé au pouvoir donc à Rennes. Un discours que vous analysez, François Prigent, dans C'était 1958 en Bretagne, en décentrant là aussi le regard, en vous intéressant à ce que tente de faire le général de Gaulle, par exemple de capter un vote démocrate chrétien qui peut-être pourrait lui échapper. Oui, tout à fait. Les travaux récents de Gilles Richard, notamment sur l'histoire des droites, ont bien montré que le 13 mai 1958, après le retour au pouvoir du général de Gaulle, un des enjeux, c'est la question de la majorité. Les nouvelles institutions ne sont pas encore en place, la présidentialisation du régime et la bipolarisation de la vie politique n'ont pas encore eu d'impact. Et finalement, De Gaulle, lorsqu'il revient au pouvoir, il n'a pas de majorité. Et donc, il est très largement dépendant du vote MRP, mais aussi des réseaux CNIP, ainsi que d'une partie de la SFIO. Et donc, c'est un des enjeux de cette visite express à Rennes, puisqu'il reste que quelques heures, dans un agenda politique qui est extrêmement contraint, où il cible un certain nombre de grandes villes, et où, dans son discours, il y a à chaque fois une déclinaison locale de son discours national sur la Nouvelle République, avec la volonté de capter les réseaux locaux, mais aussi d'essayer de faire jouer, par exemple, les réseaux issus de la résistance. On a toute l'ombre portée, là, de la Seconde Guerre mondiale, lors de sa visite à Rennes, c'est extrêmement net. Et c'est d'ailleurs intéressant, dites-vous, expliquez-vous dans ce livre collectif, de voir que ce voyage de 1958, donc au moment crucial pour lui du retour au pouvoir, n'a pas grand-chose à voir avec celui de 1960 qui dure 5 jours, avec 75 arrêts, 22 discours du général de Gaulle un peu partout, et que la situation en 2 années aura profondément changé pour la position de Gaulle et des gaullistes en Bretagne. Oui, tout à fait. Et c'est là où c'est intéressant de travailler sur une césure comme l'année 58, puisque l'on peut voir que le renouvellement et l'irruption de la vague gaulliste, finalement, elle se fait par touches successives. Avec législatives de 62, 67 et 68, principalement. Alors, on a un certain nombre de dates clés. Si on prend le Carénais, par exemple, le Fréville, qui est battu aux législatives en 68, c'est un tournant qui est extrêmement marquant, dans l'inversion des droites entre gaullistes et puis démocrates chrétiens. Mais on voit aussi qu'en travaillant sur la rupture de 58, le paysage local, si on se déplace au niveau des échelles, si on travaille entre le microscope et le télescope, si vous me permettez cette expression, sur les municipales ou sur les cantonales ou même sur les sénatoriales, on voit que finalement, ce renouvellement, il se fait sur ces années 58, en quelque sorte. Victor Massé-Lépine. Pour continuer dans ces jeux d'échelle et ces dynamiques plus régionales, il est beaucoup question dans ce livre, c'était 1958, en Bretagne, du CELIB, ou peut-être qu'on dit CELIB, Comité d'études et CELIB, de liaison des intérêts bretons, qui était une sorte de, pour dire très vite, de lobby breton. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu ce que c'est, ce que c'était, et pourquoi cette année, ces années 58, comme vous dites, ont marqué une rupture là dans une forme d'organisation et de promotion de la Bretagne par des industriels et des politiques? Alors c'est très intéressant parce qu'il y a toute une histoire à faire autour du CELIB, qui a été un mythe régional avec un roman régionaliste autour de l'unification de tous les Bretons périphériques face, par exemple, au pouvoir national. Avec la figure d'Alexis Gourvennec en particulier, jeune paysan breton tenant tête au Premier ministre, comme il nous l'avait raconté dans plusieurs émissions de la Fabrique de l'Histoire, par exemple. Oui, tout à fait. Alors certes, il y a cette démarche transpartisane, mais vous avez aussi des oppositions politiques en interne au sein du CELIB, par exemple entre la vision de Pleven et puis celle de Michel Fliponneau. Vous avez deux lectures du rôle du CELIB, de gauche et de droite. Même chose pour le rôle, par exemple, de Gabriel de Poulpiquet, le député le mieux élu de France en 68, conservateur, engagé dans les réseaux syndicaux agricoles, ancien résistant, et qui a connu toutes les étiquettes politiques des droites avant de se fixer sur l'étiquette gaulliste, justement à partir de 1958. Donc, ce CELIB a joué un rôle très important. Par exemple, dans l'imaginaire collectif régional, on continue à penser que les grands axes routiers sont gratuits en Bretagne du fait de l'accord de mariage d'Anne-Bretagne lors du rattachement de la Bretagne à la France. En réalité, ça renvoie au désenclavement de la région et au plan routier breton. Et donc, on est dans une toute autre perspective qui est celle de la décentralisation, certes, mais qui est aussi celle de l'industrialisation de la Bretagne. Et là, le jeu d'échelle dont on parlait tout à l'heure est intéressant. Autant de la globalisation économique, on a aussi une globalisation de l'histoire. Et pour le cas de la Bretagne, il y a deux choses qui viennent se percuter dans les années 60 et 70. Il y a cette vague d'industrialisation de la Bretagne dans un temps de désindustrialisation de la France. Et finalement, c'est un des enjeux très contemporains du rôle de la Bretagne dans l'histoire nationale aujourd'hui. Et c'est ce que vous appelez d'ailleurs de vos voeux, Erwan Le Gall et vous, François Prigent. Erwan Le Gall, c'est de dire, effectivement, si on fait la même chose 1958 dans le Nord, par exemple, en s'intéressant à cette histoire locale du Nord, comme on pourrait s'intéresser à une histoire locale en Bretagne, eh bien, en fait, on s'apercevra que les enjeux ne sont pas les mêmes, parce qu'effectivement, 1958 dans le Nord, c'est le début de la désindustrialisation, tandis que en Bretagne, c'est le début de la modernisation de l'agriculture, mais également des transports et de l'agroalimentaire, par exemple. Oui, bien évidemment, toute la difficulté, c'est encore une fois plus de conjuguer une histoire qui est, quoi qu'on veuille en dire, est nationale, hein, s'exerce au sein du pays, mais avec des spécificités régionales. Et la question des mémoires, de ce point de vue-là, elle est très intéressante. Charles de Gaulle, quand il revient au pouvoir en mai 1958, c'est sur la base de quel capital politique ? La Seconde Guerre mondiale, son rôle dans la France libre. Et là, il va agiter des ficelles qui sont extrêmement lourdes. Je pense notamment à cette pétition signée par les habitants de l'île de Sein. Et renvoyée par deux Iliens à Paris. Enfin, la ficelle elle est vraiment très très grosse. Mais il faut rappeler que pour ceux qui ne sauraient pas que l'île de Sein fait partie des Compagnons de la Libération et que ça a été un des premiers endroits à se mobiliser pour rejoindre Londres. Certains des marins de l'île de Sein partant dès la signature de l'armistice entre le régime de Vichy et Pétain et l'Allemagne. Et avec le général de Gaulle disant, dès juillet 1940, je crois, à une revue de troupes à Londres, mais alors, Sein, c'est le quart de la France. Et donc, on voit bien cette utilisation d'une fibre régionale, de petites patries, pour assouvir un destin national. Et là, il y a assurément une spécificité régionale, locale, bretonne en l'occurrence, mais qui s'intègre dans un cadre hexagonal national. Oui, et d'ailleurs, on peut dire que ce voyage de 1960, non pas celui de 1958, du général de Gaulle en Bretagne, va passer par Sein, d'ailleurs, mais qu'il y aura aussi des difficultés vis-à-vis d'un mouvement régional ou régionaliste culturel qui se redéveloppe dans les débuts des années 60, puisqu'on va demander le boycott, justement, de la présence du général. Certains vont exiger que lors du passage du général, on ne l'applaudisse point, etc., etc. Donc, on voit bien effectivement que entre cette volonté de modernisation, de rattachement, de développement et de l'autre côté des velléités de défense de la culture bretonne, par exemple, il y a des tensions qui sont à l'œuvre à l'occasion d'un voyage comme celui-ci, François Prigent. Oui. Oui, tout à fait. On voit d'ailleurs que dans ces années 60 et 70, dans les milieux régionalistes, il y a une profonde mutation. C'est en quelque sorte la socialisation du régionalisme après la régionalisation du socialisme. des formes de nouvelles idées qui vont être incarnées d'abord par le PSU, la CFTC et la CFDT, et puis captées ensuite par le PS avec des figures comme Will Pincek, Premier ministre de la Mer en 1981, ou Charles Josselin qui a beaucoup œuvré justement à introduire ces nouvelles idées dans les gauches bretonnes qui se construisent en partie dans les années 68 dans l'anti-gaullisme. Hein, et qui vont émerger en 81 lors de la vague rose qui déferle à son échelle au niveau de la Bretagne. Pour faire rebondir un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'emboîtement des échelles et le rôle des grands hommes, moi je voudrais insister sur le fait que comme lorsque l'on travaille sur la biographie et qu'on a fait une inversion du regard pour passer d'une lecture des grands acteurs vers une lecture vue d'en bas, mettant à jour les structures sociales locales et appréhender finalement la société par une histoire des biographies individuelles, et ben finalement ce passage de la biographie à la prosopographie, c'est aussi un tournant historiographique. Alors en Bretagne, ça avait été pour nos auditeurs qui ne sauraient pas ce qu'est la prosopographie, comment l'expliquez-vous simplement pour qu'ils puissent voir quelle est la révolution qui est en cours? Oui, alors la prosopographie, c'est faire un portrait collectif des trajectoires et non plus une vision biographique. Prendre un exemple assez simple dans ce renversement historiographique, jusqu'aux années 60, quand on travaillait sur la société de Louis XIV, on le faisait à travers Louis XIV et ses principaux relais, c'est-à-dire les grands acteurs. Et un professeur d'histoire moderne à Rennes, Pierre Goubert, lui a choisi de travailler par exemple sur Louis XIV et la société française. Mmh. Et donc de travailler sur les biographies. Alors c'est l'entreprise du, c'est tout l'entreprise du Métron, hein, de mettre à jour biographie du mouvement ouvrier. Voilà, de mettre à jour les anonymes engagés dans le mouvement social, dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement politique et militant, et donc de faire une somme comme ça de biographies individuelles qui n'a de sens que si on les interprète pour en faire une biographie collective. Alors, c'est tout le projet de la prosopographie. Alors, c'est et de donc faire apparaître des dynamiques dans ces approches biographiques. Et il faut saluer d'ailleurs dans votre travail, là ce sont des petites biographies individuelles, des articles qui leur sont consacrés, le travail sur Jean Rohoux par exemple à Carré, ou le travail sur Suzanne Ploux, indépendante de gauche à Pont-de-Bois, dont on ne sait pas très bien comment la classer politiquement, le travail sur André Moat, donc cette chercheuse du CNRS, documentaliste au CNRS à la station marine de Roscoff, qui deviendra une des leaders du Parti communiste sur place. Et puis il y a autre chose que l'on trouve encore dans votre, c'était 1958 en Bretagne par exemple, eh bien on y évoque le cyclisme et l'importance des cyclistes bretons. Un extrait du Tour de France, 9e étape Quimper-Saint-Nazaire par la RTF, nous sommes le 4 juillet 1958. À Quimper en effet, ce vendredi matin, c'est près de la gare, le quotidien Rassemblement avant le départ de cette 9e étape Quimper-Saint-Nazaire. Les 108 rescapés, dont beaucoup ont encore les jambes alourdies par l'étape contre la montre de la veille, ont un menu copieux à emporter dans leur musette, vous l'avez vu. Gégène Le Tendre, le voici. C'est le coureur le plus pittoresque du tour puisqu'il est le seul à marcher au calva. Gemignani, très diplomate, félicite le porteur du maillot jaune Vorting, mais ne lui dit pas tout ce qu'il pense, pas plus que Anquetil à Charlie Gaulle, qu'il félicite néanmoins pour sa belle victoire de la veille. Et c'est le départ donné à 11h15, très précise, sur les bords de l'Audet. Cette étape relativement courte, 206 km, et juste un peu vallonnée, ne devrait pas, en principe, exciter les grands favoris qui préfèrent digérer leurs efforts de la veille et se réserver pour les Pyrénées. Et nous voici sur le pont de la Roche-Bernard, sur la Vilaine, ce pont dont la particularité principale est que l'élément du centre est constitué par des éléments venus du port de débarquement d'Aromanche. Il n'y a pas de feu rouge pour le peloton, qui passe ici avec près de 10 minutes de retard sur les échappés. Voilà, c'était Jean Quittard de la RTF commentant la 9e étape du Tour de France Quimper-Saint-Nazaire le 4 juillet 1958. Victor Massé-Lépiné. Oui, il y a beaucoup de petites choses à noter dans cette archive, outre le fait qu'un des coureurs est surnommé Gégène en 1958. Il s'agit d'Eugène Le Tendre, qui était né à Louvigné-du-Désert, donc en Bretagne, mais qui marchait au calva, comme il avait été dit, puisqu'il était finalement normand d'adoption. On entend aussi l'ombre et le poids encore de la Seconde Guerre mondiale évoqué quand on évoque tel ou tel aspect du paysage, ce qui n'était pas encore vraiment la norme dans les retranscriptions du Tour. Vous vous êtes beaucoup intéressé, peut-être qu'aussi on peut parler de Saint-Nazaire, l'arrivée de cette étape qui était encore en Bretagne en 1958. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé au cyclisme en Bretagne en 1958, comment est-ce que ça illustre la démarche que vous vouliez faire pour cette histoire locale de la France, François Prigent? Alors d'abord, c'est en effet très intéressant parce qu'on fait dialoguer des compétences historiographiques de différents chercheurs. C'est un article qu'on a écrit à trois avec Yves-Marie Evano et Thomas Perronneau, où nous n'avions pas les uns et les autres les mêmes approches. Moi, je travaille sur l'histoire politique régionale, et donc j'avais un certain nombre d'éléments sur le rôle de l'histoire politique, culturelle, sociale, du sport, y compris du cyclisme. Mes deux camarades, Yves-Marie Evano et Thomas Perronneau, étant beaucoup plus férus de cyclisme, d'une part, mais aussi ayant des connaissances plus spécifiques sur justement ces générations de cyclistes. Et donc en mettant en commun nos approches, en croisant nos approches, on a pu faire apparaître un certain nombre d'idées qui sont assez importantes et assez intéressantes. Par exemple, la coupure que représente la guerre d'Algérie dans les carrières sportives. avec l'envoi du contingent en Algérie et qui brise un certain nombre de carrières avec la durée du coup du passage en Algérie. On a aussi évidemment la question de l'ombre portée de la résistance dans les commentaires sportifs. Il faudra attendre la génération de Jean-Paul Olivier avec les commentaires du Tour de France sur la 2 pour qu'on ait une lecture par le patrimoine régional. Là, en 58, quand on regarde les archives de l'INA, quand on regarde la documentation de la presse, quand on lit, y compris les articles d'Antoine Blondin dans l'équipe, on voit bien que c'est ce poids justement de la résistance qui prime sur les commentaires dans la perception de la Bretagne. Et donc ça, c'est tout à fait intéressant. Mais alors, et d'un point de vue sportif, c'est aussi la fin de l'âge d'or du cyclisme breton. Voilà, c'est surtout ça. Avec la fin de la génération Roubik et Bobet qui disparaît. Alors, il se trouve qu'en 58, il y a un désaccord. C'est 30 ans alors, plus tard. C'est plus tard, Bernard Hinault. C'est le deuxième âge d'or. C'est la fin du premier âge d'or du cyclisme breton, avec justement un désaccord au sein de l'équipe de France, parce que les équipes étaient nationales à l'époque, entre Octil et Bobet. Et donc, c'est un luxembourgeois, Charlie Gaulle, qui remporte ce tour. Mais alors, est-ce qu'il s'agit de trouver des explications à la fin de cet âge d'or? Bon, Louison Bobet, si je me trompe pas, a 33 ans, donc en 58, il commence à vieillir, tout simplement, même s'il va encore être deuxième du championnat du monde. Mais est-ce que l'idée, c'est de trouver quelque chose de... Un éclairage, une explication spécifiquement bretonne, par exemple, pour cette fin de ce premier âge d'or? Alors, il y aurait sûrement des choses à faire sur les clubs de cyclisme, sur la structuration des clubs de cyclisme et le poids du cyclisme amateur et justement les difficultés à émerger. On voit aussi qu'il y a des nouvelles dynamiques. Alors, vous parliez de la génération Guimard et puis Hinault. On a aussi un certain nombre de marqueurs dans le cyclisme breton qui émergent dans ces années 58. Le circuit de l'Aune à Châtelain, un certain nombre de courses locales également. Et c'est vrai que le cyclisme change. Là, de ce point de vue-là, il y a une forme de professionnalisation du sport et il se trouve qu'en Bretagne, on n'a pas cette dimension. Erwan Le Gall, on voit bien l'intérêt de votre travail collectif que vous avez pu mener et que vous menez aussi, il faut conseiller à nos auditeurs, de s'y rendre sur le site NNVOR, donc ce site d'histoire contemporaine de la Bretagne qui est renouvelé chaque jour et où il y a énormément d'informations à récolter sur l'histoire de la Bretagne et pas simplement de la Bretagne. D'ailleurs, on se dit, ben voilà, une tentative, une façon de faire, une manière d'avancer en travaillant ensemble qui donne envie qu'il y ait d'autres étapes. Est-ce que vous pensez à d'autres étapes, justement, après c'était 1936, c'était 1958 en Bretagne, aux éditions Goater? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il pourrait être la marche d'après, d'une certaine façon? Alors moi, très égoïstement, la prochaine étape, c'est le rendu de ma thèse. sur la guerre de 14, évidemment, sur votre régiment, effectivement. Bon, voilà. Ça, c'est normal, mais bon, et ensuite... oui, il y aura d'autres étapes, nécessairement, parce que Yves-Marie, Thomas, François, Paul, Boulan, Johan, Vincent, tout ça, ce sont des copains. De surcroît, il y a plein d'autres travaux extrêmement intéressants qui sont en train de venir. Je pense notamment à la thèse de Dimitri Poupon sur un massacre de Penguerec pendant la Seconde Guerre mondiale qui me semble extrêmement prometteuse. Les travaux de Clément Collard, par exemple, un article sur l'école des reconversions professionnelles de Rennes, des mutilés en 1919. Enfin, y a énormément de choses. Donc oui, on va continuer à travailler ensemble. Voilà. Par ces liens d'amitié, hein, c'est l'histoire, c'est faire écrire de l'histoire, c'est aussi des relations humaines. Hein, c'est important, ce que beaucoup répètent aujourd'hui, effectivement, des groupes qui travaillent ensemble, c'est utile parce qu'on ne peut pas rester tout seul dans son coin, en l'occurrence. Exactement. Oui, surtout quand on n'est pas dans les milieux universitaires avec des possibilités de pouvoir faire des enquêtes de recherche. Ouais. Là, c'était une des caractéristiques des deux ouvrages, c'est que il y a des chercheurs chevronnés qui étaient installés ou qui sont toujours installés à l'université de Rennes 2 ou de Brest, comme Christian Boujard, Gilles Richard, Jacqueline Saint-Clivier, qui nous ont tous marqués dans nos recherches doctorales ou justement dans l'apport qu'ils ont pu avoir sur l'histoire de la Bretagne et son insertion à l'échelle internationale. Mais c'est vrai que c'est aussi une des dimensions, finalement, des démarches comparatives transnationales. C'est l'effacement quasiment total de cette dimension d'histoire régionale ou d'histoire nationale, ne serait-ce qu'en histoire politique, qui est extrêmement marquant. Donc c'est vrai qu'il y a d'autres ressources et que les entreprises collectives de recherche sont essentielles. On a parlé tout à l'heure du Métron. Voilà une aventure collective de recherche qui est formidable. Et qui dure. Et qui a pu marquer très fortement la Bretagne. Voilà, de Claude Gélin, Christian Boujard jusqu'aux chercheurs contemporains. Là, il y a une continuité d'histoire sur un demi-siècle. Victor Massé-Guébinet. Et est-ce que vous avez... Pardon, est-ce pour que vous avez des questions la forme que ça prendra, pour l'instant, pour être honnête, j'en sais absolument rien. On est un peu pris là par le temps, et donc on va voir. Il y aura certainement quelque chose. Moi, je sais que par Bretagne Culture Diversité, on est en train d'initier des projets très ambitieux, notamment avec les copains du Métron et des éditions de l'Atelier. Mais voilà, on va se laisser un peu de temps. Je pense pas que ça a d'intérêt de faire une troisième année. On fera sans doute autre chose, une autre formule, mais sans doute pas une troisième année. Et est-ce que vous avez des contacts avec l'extérieur? J'ai envie de dire, vous n'êtes pas enclavé dans votre région de Bretagne, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives comparables qui fleurissent, ou est-ce que vous avez donné envie à d'autres, dans d'autres régions, de faire la même chose? Alors, comparable, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que, par exemple, en histoire politique, cette question des échelles, elle est systématiquement utilisée. Vous avez évoqué tout à l'heure la charge historique très forte de Gaulle avec la région Bretagne. François Dubasque et Anne-Laure Olivier ont réalisé récemment un colloque sur Mitterrand l'enraciné, où moi j'étais intervenu sur la question du rapport de Mitterrand avec la Bretagne, et où justement ce jeu d'échelle apparaît. Et donc en histoire politique notamment, cette question des échelles, elle est toujours très importante, et l'histoire vue d'en bas est toujours primordial. Merci à tous les deux, Erwan Le Gall et vous-même, donc François Prigent. Rappelons que vos deux livres s'appellent C'était 36, le Front populaire en Bretagne, et C'était 1958 en Bretagne pour une histoire locale de la France aux éditions Goater. Merci également à Marion Dupont et Céline Leclerc. Théo Gomard était à la technique aujourd'hui et Thomas Duterre à la réalisation. On se retrouve demain, Victor Massé-Lépinay, pour évoquer la question de la langue bretonne et des langues bretonnes, ou de la façon dont on l'a parlé et dont on l'a écrite.